collé à elle. Pour ce soir, un film d'horreur et en plus elle l'air heureuse. Oh, je comprends pas son humeur, cet instant de détente. Mais plus le temps passe, plus elle rougit, puis se jette sur mes bonbons. Un remake du genre psychose, un massacre. Un massacre. Hey. Massacre taille crayon, massacre taille crayon. Massacre taille crayon, massacre taille crayon. Massacre taille crayon, massacre taille crayon. Massacre taille crayon, massacre taille crayon. Massacre taille crayon, massacre taille crayon. Massacre taille crayon, massacre taille crayon. Massacre taille crayon, massacre taille crayon. Massacre taille crayon, massacre taille crayon.